tout tranquille, tout paisible. J'élève la voix pour ne plus jamais revoir une chose comme ça. La nature déchiquetée, les arbres déracinés, à chaque fois remplacés par des bâtiments géants qui nous cachent du soleil et nous coupent du vent. À celui qui veut bien comme moi combattre contre ces gros butins attirés par les francs, mais pas toujours si francs. Enlève leur pugne, déshabille leur fortune, tu ne vois plus qu'un homme perdu dans tout Neptune. Reviens une dernière fois avant de perdre la voix. Revenir sur un combat contre les viseurs de loi qui vivent de corruption, de pots de vin et qui se font enrichis sur le dos de gens toujours réglos. Des zoulous pour cacher dans leurs murs de béton. Merci.